me suis dit, quel est l'être qu'un spectateur pourra le moins facilement admettre au départ comme étant un être humain et un être émouvant? C'est certainement un tueur sadique. Alors si le film est réussi, logiquement, les gens doivent l'aimer. Mon grand plaisir, c'est de révéler l'opacité, lance Claude Chabrol quand on l'interroge sur le moteur qui le fait réaliser des films pour le cinéma et la télévision à un rythme effréné. Au total, 57 films pour le cinéma et 30 pour la télévision. Mais de quelle opacité s'agit-il ? L'opacité des journées sous le brouillard où les scènes quotidiennes s'enchaînent sans lumière et sans joie ? Le quotidien comme surface d'ennui qui cache des gouffres de malaise et d'angoisse ? L'opacité morale des personnages dont on ne sait presque jamais ce qui les pousse à agir, à commettre des crimes ou à tomber amoureux des criminels. L'opacité d'une nouvelle vague indéfinissable qui fait le plaisir d'une génération qui souhaitait tourner le dos à l'académisme. Ou la fausse opacité des rapports de classe qui recouvre une insolente transparence qui, là encore, conduit au meurtre. Claude Chabrol, cette semaine, réveille la bête qui sommeille en vous. Et attention, ça peut faire mal, très mal. Eh bien, ce ragoût est tout simplement dégueulasse. La sauce, c'est de la flotte. Pourquoi tu l'as pas fait réduire? Je vais bouillir 4 heures. Ah ben, 5 heures, 6 heures, je m'en fous. J'ai déjà dit 20 fois, quand la viande est cuite, tu la tiens au chaud. Et la sauce, tu la fais réduire à part, dans une casserole. À part, dans une casserole. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Oui. Vous êtes une fine gueule, vous? Ah oui, à mes heures, oui, bien sûr. Oui. Eh ben, vous me comprenez, alors. Mais c'est vrai, on m'accuse toujours de râler, mais on fait tout pour ça. Et j'aime pas qu'on gâche la marchandise, moi. Vous savez pour combien j'en ai de viande ici, par mois, rien que de boucher? 100 000 balles. Et la cuisine, hein, c'est le seul art qui ne manque pas. On peut se gourer sur la peinture, sur la musique, mais sur la bouffe, pas d'histoire. C'est bon ou c'est mauvais? Bonjour Hélène Frappa. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Je suis ravie de commencer cette semaine autour de Claude Chabrol avec vous. Vous êtes écrivaine et critique de cinéma. On a déjà fait une émission ensemble, c'était sur Michel Piccoli. Et là, Claude Chabrol, l'extrait qu'on vient d'entendre, Que la bête meurt, avec cet abominable Jean-Yann, enfin le personnage de Jean-Yann qui s'appelle Paul, nous plonge droit dans l'ambiance de Claude Chabrol, à savoir une espèce de dégoût qui prête à sourire et en même temps crée un malaise. On oscille toujours entre les deux. Oui, abominable et sublime, on pourrait dire, hein, les deux en même temps. Il y a quelque chose, moi, ce qui me frappe, je dirais que Claude Chabrol est peut-être le seul, est sans aucun doute le seul cinéaste italien de la nouvelle vague. C'est-à-dire, il y a quelque chose de très proche dans cette irruption-là, cette figure de Jean-Yann, de ce que les Italiens faisaient à la même époque avec les monstres. C'est le monstre au sens italien, c'est le monstre au sens du grotesque, hein, et du grotesque qui va nous révéler quelque chose de la vérité des rapports sociaux, de la vérité de la famille aussi, dans Que la bête meurt. Mmh. On a choisi ce matin de parler, alors on va évoquer Que la bête meurt, mais surtout le film Le Boucher, qui date de 1970, et vous l'aurez entendu même dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Que la bête meurt paraît un an avant, 1969. Cette attention portée à la nourriture et à la viande, il y a quelque chose dans l'attention que Chabrol porte à la viande dans certains plans et dans les mots qu'il met dans la bouche du comédien, qui laisse penser que lui-même se présente, si ce n'est en boucher, du moins en chirurgien du réel avec son scalpel. Oui, en entomologiste, disait-il. Ouais. Il rapprochait, il y avait quelque chose dans l'art de la mise en scène, une manière d'observer l'être humain comme un insecte. Hein. La question, vous avez commencé très justement en parlant de crime, hein. La viande nous y ramène, hein, le boucher. Il avait demandé, la seule chose qu'il a demandé à Jean-Yann pour préparer le tournage du boucher, c'est de travailler avec un boucher pour apprendre ses gestes, le couteau, etc. Alors, il y a différents, on peut dire que la viande, le gigot, le fameux gigot qu'on vient d'entendre, de Que la bête meurt, c'est le plat de l'humiliation, hein, c'est ce tyran domestique, Jean-Yann, qui ne cesse d'humilier tout son entourage et de montrer le prix de la viande, etc. Dans le boucher, c'est un peu différent. Il y a un moment du gigot très fort, mm-hmm. qui est ce moment où Jean-Yann, toujours lui, va apporter en cadeau à sa, comment dirais-je, à l'institutrice incarnée par Stéphane Audran, dont il est apparemment amoureux, enfin, pour autant que le terme amoureux soit le terme juste, il lui apporte un gigot enveloppé comme un bouquet de fleurs. On pourrait dire aussi bien, pour commencer crûment et commençons un peu, enfin, comme Chabrol aurait pu le dire, qui lui apporte sa bite en cadeau, et ça va être littéralement le sujet du film, puisqu'on va voir comment, entre la bite, le gigot et le couteau, qui est le couteau de boucher, mais aussi bien le couteau du meurtrier, il y a tout un réseau qui va se jouer, avec une question, hein, qui est la question qui traverse toute l'œuvre de Claude Chabrol, et qui en fait pour moi vraiment le Fritz Lang français. La question, c'est pas qui a tué, ouais. en fait. Hein, dans aucun des films de Chabrol, la question n'est qui a tué. C'est pas ce que les Américains appellent le who done it. La question, c'est qui est celui qui a tué. Hein, et c'est la question du boucher. Mais c'est la question aussi bien que renvoie l'œuvre de Claude Chabrol. Je trouve que c'est vraiment la grandeur, le génie de l'œuvre de Claude Chabrol. Il a toujours dit que l'écran de cinéma était un miroir. Mmh. Et que ce que le spectateur y voyait, c'était lui-même. Donc finalement, ce que toute l'œuvre de Claude Chabrol nous renvoie, à nous spectateurs, c'est cette question, c'est-à-dire finalement, qui suis-je ? Qui suis-je, moi, être humain, qui regarde ce meurtrier sur l'écran ? Et ce serait bien sûr beaucoup plus simple, pas assez opaque, pour reprendre ce terme avec lequel vous avez commencé, de rejeter le meurtrier dans le camp des monstres, et de s'en couper, comme si l'écran nous en coupait alors que l'écran nous rapproche de ce monstre. Mais d'autant que nous n'avons jamais la réponse à cette question, qui est celui qui tue, tout le sens des films de Chabrol, enfin il y en a beaucoup d'ailleurs, mais l'un d'entre eux, c'est justement de montrer que on oscille sans cesse entre ce qu'on appelle commodément le bien et le mal, les méchants et les gentils, et que on a beaucoup de mal à comprendre les intentions et donc peut-être l'identité de ceux qui agissent. Absolument, et Claude Chabrol a commencé son existence et son œuvre dans l'univers judéo-chrétien, enfin l'univers du catholicisme de son enfance. Il en était non seulement imprégné, mais il y croyait, littéralement. Il s'en est détaché, enfin, il s'en est plus que détaché, il a fait une rupture une véritable rupture radicale avec cet univers-là. Et sortant de cet univers manichéen, on pourrait dire, où l'ombre et la lumière se partagent à parts égales, il va entrer en effet dans un monde où la question de la culpabilité, telle qu'elle peut surgir dans certains films d'Hitchcock d'ailleurs, va devenir de plus en plus complexe. Hein, et c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne pense plus en termes de pardon, en termes de faute, en termes de pardon ou en termes de rédemption, comme c'était encore le cas dans les tout premiers films de Claude Chabrol, on voit, comme dans Le Boucher, que... Celui ou celle qui va être proche du criminel, en l'occurrence le personnage de Stéphane Audran, qui ne cesse de se rapprocher de cet homme, particulièrement à partir du moment où elle comprend que c'est lui qui est l'assassin de plusieurs jeunes filles dans la région, l'opacité devient La Nuit se fait. On peut dire que La Nuit se fait. À la fin d'un de ses plus beaux films, juste avant La Nuit, Michel Bouquet demande à sa femme à qui il a avoué qu'il avait assassiné sa maîtresse, il lui demande de faire la nuit. Alors, c'est très ambigu, évidemment, et d'ailleurs, elle va l'entendre d'une manière double, c'est-à-dire comme « tue-moi, assassine-moi », ce qu'elle fait, elle l'assassine. En même temps, ce n'est pas non plus ce qu'il lui demandait, puisque lui voulait se livrer à la police. En l'assassinant, elle sauve l'institution bourgeoise de la famille et du couple. Donc, il y a une ambiguïté morale absolue dans ce geste-là. En même temps, on peut dire que tout le cinéma de Chabrol nous demande de faire la nuit. Enfin, il y a il y a des éclats de lumière qui surgissent dans cette œuvre, mais plus du tout au sens chrétien. C'est ce que raconte Le Boucher. À la fin du film, on en sait encore moins sur les entre guillemets motivations de cet homme qui a assassiné des jeunes femmes, et surtout sur cela. Il n'y a plus de psychologie, évidemment. Il n'y a pas de psychologie, mais sur ce que ressent cette femme qui a accompagné jusqu'au bout ce meurtrier. Alors avant d'entrer dans le cœur du film, c'est le cas de le dire, comme c'est la première émission de cette série sur Chabrol, je voudrais qu'on essaye de répondre à une question, et voici d'ailleurs la réponse de Chabrol lui-même. Claude Chabrol appartenait-il à ce qu'on appelle la nouvelle vague ? À l'époque, on rigolait de la notion complètement. On était en fait quoi ? On était des jeunes gens qui voulaient faire des films et qui avaient trouvé comme terrain d'étude, au lieu d'être assistant, au lieu de faire l'idée, quelque chose comme ça, c'était de voir beaucoup de films et d'en parler et dans des journaux. Bon. Alors, il s'est trouvé que on était tous ensemble et on a fait des films à peu près en même temps. D'un autre côté, on n'avait pas du tout les mêmes tempéraments. Et à l'arrivée, nos films sont extrêmement différents les uns des autres. Bon, c'était plutôt une association de malfaiteurs qu'une école de cinéma, comme le néo-réalisme, tout ça. Je crois que c'était peut-être d'essayer de briser un petit peu le trop-plein d'académisme qu'il pouvait y avoir dans le cinéma. Amène ça, que je le coupe. Voilà. Celui-là, vous m'en direz des nouvelles. Pourquoi vous rigolez ? Rien. Ça a l'air bon, alors. Je suis contente. Ouais. C'est pas comme à l'armée. Là-bas, même quand la viande était bonne, et c'était pas souvent, on trouvait moyen de la faire cuire comme de la semelle. Et oui, on découpe le gigot ce matin en compagnie de Claude Chabrol, Jean-Yann, Stéphane Audran et Hélène Frappa qui est avec moi depuis chez elle ce matin pour ouvrir cette série d'émissions autour de Claude Chabrol. Donc, on va laisser le gigot, de toute façon, je crois pas qu'il soit très chaud un instant. Claude Chabrol qui parle de la Nouvelle Vague, Hélène Frappa, c'était plutôt une association de malfaiteurs. Est-ce que c'est important de savoir ce qu'est la Nouvelle Vague pour regarder les films de Claude Chabrol ? Association de malfaiteurs, le terme est bien choisi. Je repensais à ce que disait Jean Renoir, qui était le patron, comme il le surnommait, de la Nouvelle Vague. Il disait faire un film, c'est comme faire un casse. Donc il y a quelque chose, ils ont fait en effet effraction, irruption dans un cinéma qui était très codifié, où le son n'était pas enregistré en direct, où la plupart des tournages se faisaient en studio, etc. Et surtout où les films étaient violemment scénarisés, disons, étaient en tout cas, où les films étaient plus des scénarios filmés qu'autre chose. Tous les cinéastes de la Nouvelle Vague, y compris Claude Chabrol, qu'on a, à mon avis, parfois tendance à résumer à ses scénarios, ont lutté contre cette force de l'intrigue, cette pesanteur plutôt que cette force de l'intrigue, et en effet ont révolutionné complètement toutes les règles du cinéma français de l'époque. Alors, comment est-ce que Le Boucher, par exemple, puisqu'on s'arrête sur ce film ce matin, illustre vos propos, illustre ce que vous venez de dire? En quoi est-ce que c'est révolutionnaire? Alors, il y a d'abord quelque chose de qu'il y avait déjà dans Les Bonnes Femmes, un film absolument extraordinaire. De 1960, qui a été accueilli par un torrent d'injures. Il y a une dimension dans Le Boucher, comme il y avait déjà dans Les Bonnes Femmes, qui est documentaire. Elle est soulignée par le film lui-même. Il a tourné dans un petit village du Périgord. La plupart tous les figurants sont des habitants de ce village. Le mariage lui-même, qui ouvre le film, qui évoque beaucoup Mamma Roma, la séquence de mariage, qu'il y a dans Mamma Roma de Pasolini, elle est avec tous les vrais habitants. C'est une vraie séquence, on pourrait dire, de mariage. De même, la boucherie, etc. Donc, il y a cette dimension vraiment documentaire qui est crucial dans le film, y compris dans une scène qui est vraiment une scène pivot du film, lorsque l'institutrice Stéphane Audran fait visiter Mademoiselle Hélène, ces deux mots qui scandent absolument tout le film, mais on y reviendra, je pense, sur cette Hélène, donc fait visiter la grotte de Cro-Magnon à ses élèves. Donc il joue, comme on dit dans le cinéma, hein, il joue le décor lui-même. C'est pas un décor, en fait, c'est une manière de, le village, le Périgord, cette région-là de la France est un personnage, hein, exactement au même titre, hein, d'ailleurs que par exemple dans l'œuvre de Balzac, hein, à laquelle il est fait référence pendant tout le film, hein, Paris ou certaines villes de province étaient plus qu'un décor, un personnage. Donc il y a déjà quelque chose un rapport très charnel, hein, à la lumière du Périgord, aux arbres, aux habitants, à l'accent, hein, qu'on entend comme on pouvait l'entendre dans Mes Petites Amoureuses d'Eustache. Il y a cette volonté, voilà, de faire entendre quelque chose. Je disais tout à l'heure, la question, c'est qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que l'être humain, dans un sens vraiment marxiste. Il s'est beaucoup réclamé de Marx, Claude Chabrol, c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours entendu. Il disait, une phrase qui me paraît très importante à propos des bonnes femmes. Il disait « Je ne suis pas pessimiste sur les gens, mais sur la façon dont ils vivent ». Et donc, il avait cette obsession de restituer de manière vraiment très matérielle et matérialiste, dans un sens marxiste, la manière dont les gens vivent, la manière dont ils travaillent, la manière dont ils se rencontrent, la manière dont ils se parlent ou ne réussissent pas à se parler, la manière dont ils font l'amour ou baissent d'une manière sauvage comme des animaux. Je pense aux Noces Rouges, la scène absolument géniale entre Piccoli et Stéphane Audran. Donc il y a une attention vraiment. On parlait d'entomologiste tout à l'heure, mais c'est cette manière documentaire d'observer au plus près comment vit un être humain. Le Périgord est un foyer préhistorique très important et j'ai besoin de ces évocations préhistoriques pour le film, en particulier tout ce qui concerne Cro-Magnon, car j'identifie légèrement le boucher à un être humain un peu primitif. Il faut bien comprendre que les instincts, les sentiments et même l'intelligence de Cro-Magnon étaient vraiment humains. Les seules différences étaient les problèmes qu'il avait à résoudre pour subsister. Qu'est-ce que ça veut dire subsister ? Ça veut dire rester en vie. Dès qu'il a pu, il s'est mis à dessiner. Est-ce que vous savez comment s'appellent les désirs lorsqu'il s'éloigne de la sauvagerie, les aspirations? Si Cro-Magnon n'avait pas survécu, au monde dans lequel il vivait, il n'existerait pas. Faites attention, vous marchez. Et s'il revenait maintenant, Cro-Magnon, qu'est-ce qu'il ferait? Ah, je ne sais pas. Peut-être qu'il se transformerait pour vivre parmi nous. Peut-être qu'il mourrait. Je ne veux pas qu'il meure. Je suis certaine qu'il était très gentil. Ah, peut-être. Donnez-vous la main, là. Il pleut? Mais non, il pleut pas. Regarde, le ciel est bleu. C'est rouge. Ah, du sang. Essaye. Essaye. Dans un petit village du Périgord, la directrice de l'école primaire, Hélène David, Mademoiselle Hélène, et le boucher, Paul Thomas, surnommé Popol, se lient d'amitié au cours du mariage d'un collègue d'Hélène qui ouvre le film. Alors que plusieurs jeunes femmes sont sauvagement poignardées et assassinées, l'institutrice et le boucher, pour qui ces cadavres rappellent l'armée, se revoient régulièrement. Lors d'une visite scolaire dans les grottes préhistoriques voisines, Hélène découvre un nouveau cadavre, celui de Madame Hamel. Dans cette scène que l'on vient d'écouter, où des gouttes de sang coulent sur la tartine de la jeune élève qui est en train de prendre son goûter, le cadavre est au-dessus d'elle, sur un rocher surplombant, elle est en dessous du rocher et les gouttes tombent. Il faut le dire, parce que déjà l'évocation de cette scène peut avoir quelque chose de glaçant, mais Hélène Frappa, c'est un film qui met mal à l'aise, voire même qui fait peur. Il y a quelque chose d'assez horrifiant à regarder ce film. Oui, horrifiant, l'adjectif est très juste. C'est littéralement un film d'horreur. Ouais. Hein. On n'a pas l'habitude de ranger Claude Chabrol dans le genre du film d'horreur, mais en réalité, il a réalisé la plupart de ses films sont des films d'horreur. Alors là, ce qui est très fort, c'est que de tous ces meurtres de jeunes filles, on ne voit jamais le moment du meurtre. On ne saura jamais quelle est la cause du meurtre, parce que certes, il y a deux choses qui sont évoquées par le meurtrier, qui sont son traumatisme de la guerre et le traumatisme d'une enfance qui était déjà une guerre, on peut dire, hein, c'est-à-dire sous le joug d'un tyrannique, d'un père qui qualifie de fumier. Mais pour autant, ces explications-là n'en sont pas. Et ce que filme Chabrol, hein, plutôt que le meurtre lui-même, où il y aurait sans doute une obscénité pour lui à le filmer, il ne le filme pas, ou bien des explications psychologiques, c'est l'effet du meurtre, l'effet physique, hein, tel que le spectateur peut l'observer, c'est-à-dire l'effet E2FET, pas l'effet. L'effet, en effet, en un seul mot, l'effet, pas la cause, mais l'effet. Mm-hmm. Hein, donc ces gouttes de sang qui tombent sur la tartine d'une enfant, hein, c'est-à-dire ce sang qui va tacher, salir l'enfance. Alors la grotte, dans l'histoire, elle est essentielle. Il s'agit de, je disais, la question chabrolienne, c'est la question qu'est-ce que l'homme ? à travers ces personnages, et là, à travers le personnage à travers le personnage du boucher. Qu'est-ce que l'homme? Remontons à l'un des premiers hommes, à Cro-Magnon. Et donc, cette plongée dans la grotte, c'est une plongée anthropologique, qui est celle aussi bien de tout le film. Alors, ce que je trouve assez génial, je parlais de grotesque tout à l'heure. On ignore parfois que ce terme de grotesque, c'est un terme italien qui vient du 15e siècle et qui en fait a surgi quand un promeneur à Rome se baladait sur le mont Opius, le Colle Oppio, et il est tombé, il est tombé dans une grotte qui avait été complètement enterrée, oubliée depuis des siècles, qui était la grotte d'une des maisons de Néron, la Domus Aurea. Et tombant dans cette grotte, il tombe dans une grotte donc entièrement recouverte de peintures assez effrayantes, de monstres. Et c'est de cette promenade-là, enfin plutôt de cette chute-là, qu'est né le terme de grotesque. Grotesque, qui veut dire littéralement peinture de grotte. Donc il y a quelque chose de très fort, je trouve, dans ce moment de la grotte, à la fois parce que c'est le premier homme, c'est Cro-Magnon. Est-ce que cet homme-là est un sauvage? Ou est-ce que, comme le dit la petite fille, d'une manière assez merveilleuse avec son accent du Périgord, est-ce qu'il ne serait pas un homme gentil? Est-ce que ce Cro-Magnon-là va se réincarner dans le personnage du boucher? Et est-ce qu'il va être capable de transformer, comme le dit l'institutrice, avec une optique très philosophie des Lumières, de transformer quelque chose de brutal, un désir brutal qui est du côté de la viande, qui est du côté d'une sauvagerie, des pulsions, etc., en aspiration, dit-elle d'un terme. Cette phrase est géniale. Les désirs, savez-vous comment on appelle les désirs qui s'éloignent de la sauvagerie? Les aspirations. Les aspirations, voilà. Alors, c'est toute la question en même temps. La question, on pourrait dire, de la civilisation, elle est posée très abstraitement par l'institutrice parce qu'à l'évidence, ce n'est pas ce qui se joue ni dans le film, ni dans la relation très forte qui va se jouer entre cet homme et cette femme. Alors, on a eu parfois les critiques, enfin, ou les spectateurs de ce film ont eu, à mon avis, un peu trop rapidement classé l'opposition, enfin le couple. C'est un vrai couple que forment le boucher et l'institutrice, avec d'un côté le sauvage et de l'autre, disons, la frigide, tout simplement parce qu'elle refuse, dans une scène absolument géniale, de coucher avec lui. C'est beaucoup plus complexe. Je pense que le personnage d'Hélène dans ce film, Mademoiselle Hélène, est un personnage au contraire d'une liberté calmement énoncée, liberté sexuelle entre autres, dans une scène où elle revendique par exemple la masturbation, une scène absolument géniale entre l'institutrice et le boucher. Donc il y a une complexité des deux côtés. Cette question de l'aspiration qui serait, disons, du côté de l'amour. Comment transformer quelque chose de la primitivité, de la sauvagerie en quelque chose qui pourrait s'appeler l'amour entre deux personnes? Elle court à travers tout le film, mais aussi bien entre cette femme qui sait que l'homme a tué. Oui, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'elle finit par savoir que c'est lui l'assassin, et ça n'enlève pas ses sentiments. C'est là où le film est génial. Ça ne les enlève pas, non, ça les rend encore plus opaques. Alors lui a offert un gigot, et puis enveloppé, comme je le disais, comme un bouquet de fleurs. Il lui offre un gigot, il lui offre son sexe, et puis il finit par lui offrir un couteau. Je disais tous ces trois, c'est la même chose en fait. Elle lui offre un briquet. Alors est-ce à dire qu'elle l'allume? Non, ça serait encore une fois trop simple, parce qu'en fait elle ne l'allume pas. Il y a une scène dans les bois, Claude Chabrol a toujours aimé. On va l'entendre. Voilà, entendons. Vous voulez en dire deux mots avant qu'on l'entende ou... Non, entendons cette scène parce qu'elle est... Donc, la scène se déroule dans les bois où Popol et Hélène cueillent les champignons avec un des élèves de l'institutrice. Et Popol va essayer de se renseigner sur cette femme qui lui plaît beaucoup et qui lui paraît bien mystérieuse. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas d'amoureux? Parce que je n'en veux pas, Popol. Ouais, je comprends bien, mais c'est ça la question. Pourquoi vous en voulez pas? Parce que j'ai eu un gros chagrin d'amour, il y a un peu plus de 10 ans. Ça m'a fait mal physiquement. Et j'ai mis beaucoup de temps à guérir. C'est pour ça que je suis venue ici comme institutrice. Maintenant, je suis très heureuse. Moi, je dis pas que vous êtes pas heureuse, mais enfin, c'est pas très normal. Mais si, c'est normal. Vous savez, Popol, il y a des moyens très simples de se passer de ce qu'on ne veut plus connaître. Oui, mais c'est dégueulasse. Moi, vous savez, moi, je suis pas tourmentée du tout. J'aime ces enfants comme si c'était le mien. Je suis pas très convaincue. Hein. Non, mais j'agis en connaissance de cause. Je trouve admirable que des gens puissent se rencontrer, s'aimer, faire l'amour, puisque... Mais je ne veux plus prendre de risques. C'est bien que c'est pas toujours joli joli. Seulement jamais faire l'amour, ça rend dingue. Mais de le faire aussi, ça peut rendre fou. Enfin, merde, si je vous demandais de... Si je vous embrassais maintenant, qu'est-ce que vous diriez? Je ne dirais rien. Mais je vous demande de ne pas le faire. Scène incroyable aujourd'hui avec tous les échos qu'évoque cet extrait dans un contexte qui est bien différent de celui des années 70 sur la possibilité de demander un baiser, la possibilité de le refuser, l'évocation de la masturbation et l'homme qui réagit en disant bah, c'est dégueulasse et puis elle qui éclate de rire et parle des enfants. Tout est incroyable dans cette scène, Hélène Frappa, et peut-être aussi parce que ça repose sur les épaules de Jean-Yann et de Stéphane Audran, et la rencontre entre ce duo a quelque chose d'inoubliable. Oui, si on voulait parler en termes plus contemporains, quoi que ça l'était aussi de l'époque du film, on pourrait dire que c'est un grand cinéaste féministe, Claude Chabrol, sans aucun doute. C'est-à-dire qu'il y a, comme tous les grands cinéastes en réalité, au sens où la matière du cinéma a à voir avec le féminin. Hein, pourquoi il les appelle Hélène, toutes ces héroïnes? Parce qu'il n'y a pas que Mademoiselle Hélène. Il y a ce qu'il a appelé lui-même un cycle, hein, le cycle des Hélènes, dans les années 70, dont il a fait 5 films avec Stéphane Audran. Et dans ces 5 films, hein, elle s'appelle à chaque fois Hélène, comme s'il y avait une sorte de permanence du prénom. C'était sa femme aussi, hein, je le précise. C'était sa femme. Dans Que la bête meurt, Caroline Cellier s'appelle aussi Hélène. Il a dit qu'il avait choisi ce prénom parce que c'était pour lui un prénom qu'on ne pouvait pas mettre au masculin. C'est-à-dire, il disait, je ne peux pas imaginer qu'un homme puisse s'appeler Hélène. Et avec évidemment le fantôme de l'Hélène de Troie grecque, il y a quelque chose vraiment du pur féminin, de ce qu'on aurait pu appeler il y a quelques siècles l'éternel féminin, qui est là dans cette scène. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que le boucher ne cesse finalement de la renvoyer à, par exemple, il lui dit vous fumez dans la rue, c'est dégueulasse, etc. Il a quelque chose de très manichéen, hein, pour revenir à un terme que j'employais au début. Et ce personnage de l'institutrice, loin d'être coincé ou de... Alors, il y a ce moment du consentement, effectivement, il lui demande son consentement. C'est la seule femme qu'il ne va pas tuer. Alors, pourquoi est-ce que c'est la seule femme qu'il ne va pas tuer? Pour autant que la question pourquoi, hein, il lui renvoie la question pourquoi, qui n'est pas une question chabrolienne. Il lui dit, mais pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous voulez pas coucher avec moi? Pourquoi vous voulez pas faire l'amour? Pourquoi vous n'avez pas d'amoureux? Pourquoi vous n'avez pas d'amoureux? Bon, comme si quelqu'un pouvait répondre à cette question. Ça n'est pas la question du pourquoi. Hein. C'est-à-dire, elle ne répond pas sur ce terrain-là. Elle lui livre quelque chose de son intimité, d'un chagrin qu'elle a éprouvé, etc. Ce qui est très beau, c'est qu'elle le lui livre à travers non pas un discours psychologique, mais quelque chose du côté du corps. Elle dit, ça m'a fait mal. Elle en a été malade, elle est venue dans le Périgord pour en guérir. Elle parle de la masturbation pas comme d'une, pas du tout évidemment comme d'une forme de sous-sexualité, mais comme d'une des formes, ce qu'elle est, hein, bien sûr, la masturbation, c'est pas de la frustration, c'est pas de la sous-sexualité, c'est l'une des expressions de la jouissance du corps, hein, et elle, expression qui se trouve aussi bien dans une séquence où on la voit faire du yoga, etc. C'est une femme qui jouit aussi bien dans son corps, dans sa liberté, dans sa manière justement de marcher, de se balancer, de fumer dans la rue, etc. Donc il y a quelque chose vraiment de très beau. Ils parlent tous les deux. Ils parlent. Mmh. Chabrol disait ce qui est insupportable dans les bonnes femmes, hein, et ce qui est monstrueux dans les bonnes femmes, c'est que ce sont des gens qui ne parlent pas, en fait. Et c'est ça qui est Alors, donc si c'est le film Les Bonnes Femmes, hein, c'est pas Les Bonnes Femmes en général. Le film Les Bonnes Femmes, ouais. Bien sûr. L'expression est géniale d'ailleurs, ce sont des bonnes femmes, oui bien sûr, c'est pas du tout misogyne hein, comme film, au contraire. Ce sont des gens qui ne parlent pas, c'est-à-dire ils s'envoient des espèces de dialogues stéréotypés, alors qu'ils sont en partie très misogynes, etc., très harceleurs. Bon, dans la figure, ils ne parlent pas. Ou des clichés. Là, il y a quelque chose qui se noue entre eux et qui fait qu'il ne la tuera pas. C'est parce qu'ils se parlent qu'il ne la tuera pas. C'est-à-dire que c'est ce moment de langage entre eux qui va dénouer la violence que lui exerce à l'égard de toutes les autres femmes qu'il rencontre et auxquelles il ne parle pas. Donc il y a une humanisation, on pourrait dire. Il y a une humanité qui est bouleversante aussi bien de cette femme qui peut se livrer à lui et de lui jusqu'au moment final d'ailleurs où de l'aveu, hein, mm-hmm. Le moment final où il va remettre sa honte, hein, parce que tout crime s'accompagne d'une honte, en tout cas dans l'univers chabrolien. Il va déposer sa propre honte de ce qu'il a, des crimes qu'il a commis, entre les mains de cette femme. Et à la fin du film, elle se retrouve avec cette honte en elle, hein, qui est peut-être une autre honte qui vient d'ailleurs, et il y a quelque chose d'un mystère qui s'est épaissi, mais qui est d'une grande. Ouais. Il y a une grandeur dans le cinéma de Claude Chabrol. Je pense que vraiment, ça, c'est quelque chose qu'il faut scander, parce qu'on l'a peut-être parfois perdu de vue dans le personnage lui-même qui s'était construit, un peu patelin, etc. Il y a une grandeur au sens où l'œuvre de Fritz Lang avait une grandeur, un génie. Et ce qui est passionnant dans ce film, c'est qu'à aucun moment on entre dans une dimension psychologique ou psychologisante, mais à chaque moment, on est tenu par les tripes, par le corps. On ressent à la fois le désir de Popol pour Hélène, la crainte et le désir quand même d'Hélène pour Popol. Et vous insistez sur la honte, en fait, c'est un film qui joue avec nos sentiments, d'où le fait que nous soyons si vulnérables à l'horreur quand la scène arrive, la scène des gouttes de sang sur la tartine, dont Chabrol avait dit « je pense que je n'ai rien fait de pire depuis ». Il sait très bien ce qu'il fait à ce moment-là. Oui, c'est organique, mais comme toute grande œuvre, c'est organique. Hein. Il ne s'agit pas de... c'est une œuvre de pensée qui nous fait penser ensuite, mais cet écran qui est ce miroir que nous renvoie le cinéma, c'est un miroir intérieur. Hein, c'est comme le film de Fleischer, la caméra, c'est comme si on mettait une caméra à l'intérieur du corps de chaque spectateur. Donc ce qui importe, c'est l'intensité des sensations qu'il nous fait ressentir, aussi bien de dégoût, de désir, d'un désir qui n'est ni bien ni mal, oui. D'une sexualité qui n'est ni bien ni mal, et en même temps d'un cadre historique humain qui est celui de la guerre, qui est celui d'un patriarcat dégueulasse. Ce qui est dégueulasse, c'est du côté des institutions. Hein, mm-hmm. C'est-à-dire que quand il évoque son père qui était un fumier, qui battait sa mère, etc., quand il évoque les horreurs de la guerre, et que personne ne veut l'entendre d'ailleurs dans cette scène, à plusieurs reprises il essaye, notamment quand il travaille dans sa boucherie, il évoque comme ça, ça surgit, mais personne n'a envie d'entendre ça, parce que la France de l'époque n'a pas du tout envie, et d'ailleurs elle continue à ne pas avoir du tout actuellement envie, d'entendre la dégueulasserie de ces crimes coloniaux. Lui, il est là, il est celui qui fait irruption, un peu comme Jean-Yann faisait irruption d'une autre manière. Il met ce dégueulasse-là sur la table, littéralement sur la table de la cuisine, et personne ne veut l'entendre. Et donc ça ressort, oui. Enfin donc, il faudrait que j'enlève ce donc, parce que ça serait trop, c'est trop un effet de causalité, et c'est beaucoup plus complexe dans le film. Parce qu'en même temps, il n'est pas, comment dire, il n'est pas excusable, il ne s'agit pas de lui donner son pardon. Le spectateur n'est pas là non plus. Il n'y a aucun jugement, à aucun moment. Il n'y a aucun jugement. Et je pense que ce qui faisait le plus horreur à Claude Chabrol, c'était l'idée qu'il puisse y avoir un jugement. Lui-même se considérait comme absolument... il pensait qu'il y avait quelque chose d'indigne dans le fait de juger. Ce qui l'intéressait, on peut dire que l'éthique de Claude Chabrol et ce en quoi elle se distingue d'ailleurs probablement de ses autres comparses de la Nouvelle Vague, son éthique, elle repose sur un mot qui est la lucidité, en fait. C'était vraiment cette idée de regarder... sans idéaliser, et aussi bien de regarder une femme sans l'idéaliser. Il disait que ceux qui idéalisaient les femmes étaient les vrais misogynes. De regarder l'être humain sans l'idéaliser, sans tomber non plus dans l'idéalisme, etc. D'observer, à travers les conditions de vie, la manière dont les gens se parlent, etc., ce qu'un être humain peut faire. ce qui fait de lui pas simplement un cinéaste de province, ni un cinéaste marxiste, ni un cinéaste influencé par Fritz Lang et Hitchcock, mais aussi un cinéaste balzacien. Est-ce que vous savez qui est Honoré de Balzac ? Oui, c'est un romancier du 19e siècle qui a essayé de composer son œuvre comme un tout pour en faire la peinture de la société de son époque. Mais je vous en parlerai plus tard. Je vous relis la dictée. En entendant ouvrir la porte de la chambre avec brusquerie, Hélène... Ah non, vous n'allez pas rire. Hélène s'était levée du divan sur lequel elle reposait, mais elle vit le marquis et jeta un cri de surprise. Elle était si changée qu'il fallait les yeux d'un père pour la reconnaître. Le soleil des tropiques avait embelli sa blanche figure d'une teinte brune, d'un coloris merveilleux, qui lui donnait une expression de poésie. Et il y respirait un air de grandeur, une fermeté majestueuse, un sentiment profond par lequel l'âme la plus grossière devait être impressionnée. En toute modestie, dit Chabrol, ma démarche est celle de Balzac. Il n'est pas indispensable que chacun de mes films soit considéré comme parfait. Il se peut que j'ai seulement voulu illustrer une idée qui était apparue dans un film et que je reprendrai. Ce que je cherche, c'est que l'ensemble de mes réalisations donne une idée très précise d'une vision des choses. Et c'est ce qu'on entend dans cet extrait, Hélène Frappa, où l'institutrice, ça fait beaucoup d'Hélène hein, quand même, vous aurez remarqué, je ne sais pas si votre prénom est en référence à l'univers. Non, mais je sais que j'ai été choisie uniquement pour mon prénom, vous avez fait un casting d'Hélène. Donc Hélène Frappa, vous avez entendu Mademoiselle Hélène lire un extrait de La femme de 30 ans d'Honoré de Balzac, dans lequel le personnage principal s'appelle Hélène. Pourquoi bien, tant que vous ne m'appelez pas Madame Hélène, ça ferait un petit peu Mademoiselle, de bordel. Si vous voulez, ça me va. Mademoiselle Hélène, ça me va très bien. Balzac, c'est crucial. Alors, je parlais tout à l'heure de Renoir comme l'un des patrons de la Nouvelle Vague. L'autre, c'est Balzac, hein, c'est le roman balzacien. Chaque cinéaste de la Nouvelle Vague a eu son Balzac, a fait son Balzac. Hein. Alors, Rivette, c'était plutôt du côté de l'histoire des tresses, du complot, etc. Qu'est-ce que Chabrol, dans toute son œuvre, depuis ses premiers films, retient du plus grand romancier, on pourrait dire, hein, français du 19e siècle? Il en retient... Alors, je parlais d'entomologiste, Balzac adorait ce qu'on appelait à l'époque la physiognomonie, c'est-à-dire cette manière, ce que dans le cinéma on peut appeler le casting, hein, c'est-à-dire juger les gens sur leur gueule, c'est ça le casting en réalité. Hein. Ça c'est quelque chose dont Chabrol n'a cessé de se réclamer, il a fait d'ailleurs des analyses des hommes politiques français durant toute sa carrière extraordinaire, en les jugeant littéralement sur leur tronche. Bon, donc il y a cette idée de la vérité d'un visage, de la vérité d'un corps, etc. Mais plus généralement, à travers ce portrait qu'on entend d'Hélène dans La femme de 30 ans, Balzac a inventé d'ailleurs cette notion de femme de 30 ans, qui était à son époque déjà une femme qui était censée être vieille, lui enlève la femme de 30 ans à cette malédiction déjà de la vieillesse et il en fait un portrait absolument flamboyant. La femme de 30 ans, ça raconte l'histoire, enfin deux histoires de mariage, comme tous les romans enfin comme l'œuvre entière de Balzac. C'est la critique la plus féroce qui ait été portée contre l'institution du mariage, du point de vue de celle qui en est la victime, la seule victime en réalité, qui est la femme. Hein, l'œuvre de Balzac est une œuvre enfin sauvagement féministe, on pourrait dire violemment féministe, enfin qui ne cesse de dire, et d'ailleurs il y a un très beau personnage de père hein, dans La femme de 30 ans, qui met en garde sa fille contre le mariage en lui disant « Ne te marie pas, tu seras ou tyran ou victime. Tu n'auras pas il n'y a pas d'autre place possible dans la société française bourgeoise, capitaliste de l'époque, telle que Chabrol va continuer ensuite à la filmer, enfin un siècle plus tard. Il n'y a pas d'autre place possible, donc tu es foutu, en fait, dans cette institution. » C'est ce que raconte, vraiment, de manière, en disséquant les effets du mariage sur deux femmes, la femme de 30 ans. Et puis, en même temps, il y a dans cet extrait magnifique, c'est un autoportrait aussi bien, évidemment, du personnage de Mademoiselle Hélène, de Stéphane Audran, avec cet air de grandeur, etc. Mais il y a aussi cette idée de la radiographie de la France, très important, enfin crucial chez Balzac, hein, cette idée. Tout à l'heure, je disais, il n'y a jamais de décor, en fait. Hein, il ne s'agit pas de décor. Il y a les scènes de la vie de province, il y a les scènes de la vie parisienne, exactement comme on les retrouvera chez Claude Chabrol. Et il y a cette idée d'ausculter un pays, à travers particulièrement une classe sociale qui est celle de la bourgeoisie, depuis la toute petite bourgeoisie comme on la trouve dans le boucher, jusqu'à la très haute bourgeoisie parisienne qui gouverne l'État, telle qu'on la trouve dans d'autres films chabroliens. Les places du pouvoir, par exemple. Voilà. Et comme chez Balzac, pourquoi choisir la bourgeoisie ? Alors, on pourrait dire qu'il s'agit je disais tout à l'heure que Chabrol a renié le catholicisme de son enfance. Il a aussi bien, comme l'avait fait Visconti en Italie, un grand aristocrate communiste qui n'a cessé d'ausculter sa classe d'origine, il n'a cessé d'ausculter sa classe bourgeoise d'origine. La bourgeoisie, c'est plus intéressant, sans aucun doute. Pour un romancier, pour un cinéaste, c'est la classe sociale, c'est le milieu, c'est le décor le plus intéressant, parce que c'est une classe qui est fondée entièrement sur la duplicité. C'est-à-dire que c'est une classe qui est fondée, à travers notamment d'ailleurs la religion catholique qui la soutient, sur l'idée que les gens font presque systématiquement le contraire de ce qu'ils disent. Du coup, c'est passionnant, évidemment, parce qu'il s'agit... tout à l'heure, on parlait de la nourriture. Qu'est-ce qui intéresse aussi tellement Chabrol dans la nourriture ? Il n'a cessé de dire que filmer des repas, filmer la préparation des repas, filmer des gens qui mangent, c'est ausculter, disséquer ce moment où les masques tombent. C'est-à-dire, on ne peut pas... Et d'ailleurs, il disait qu'il choisissait ses acteurs en les invitant à déjeuner pour les regarder manger, pour voir quelque chose d'eux-mêmes, d'une part de leur vérité qui se manifestait de cette manière. Donc dans le repas, il y a cette idée du masque qui tombe, et c'est ça qui l'obsède aussi bien dans la bourgeoisie, qui est faite de masques, et de masques dont il attend le moment, hein, tapis tel un chat, on pourrait dire, il y a quelque chose d'assez félin dans l'attitude chabrolienne de la mise en scène, tapis tel un chat pour observer ce moment où le masque va tomber. Et c'est vrai que les scènes de nourriture jouent un rôle très important, que ce soit un rôle... Ça peut être du plaisir, c'est aussi parfois de la manipulation. Il y a le ragoût dégueulasse qui a ouvert cette émission. Il y a le chocolat chaud qu'on retrouve à de nombreuses reprises dans la filmographie de Claude Chabrol. Le chocolat suisse, bien sûr. Pays fondé entièrement sur un masque, hein, cette neutralité qui n'est qu'un masque, évidemment. Godard disait, la définition de la Suisse, c'est le drapeau, c'est on fait une croix sur le sang des autres. Donc il y a quelque chose, évidemment, qui a passionné Chabrol aussi là-dedans. On fera suivre le courrier des lecteurs suisses qui vont réagir à ce propos. À Jean-Luc Godard. Hein, voilà, c'est ça. Bah, je n'ai fait que le citer. Il sera ravi de les lire. Et dans Le Boucher, c'est une scène avec des cerises. Enfin, disons, c'est une scène quasiment érotique de cerises à l'eau de vie dégustées, Popol d'un côté, Hélène de l'autre, face à face. Hélène croit que Popol est l'assassin parce qu'elle a trouvé, près du corps de la femme assassinée découverte par la jeune fille, le briquet qu'elle avait offert à Popol. Donc elle est persuadée que c'est l'assassin. Et vous allez entendre dans la scène qui va arriver, finalement celui-ci va sortir son briquet pour allumer une cigarette. Elle va se dire alors que ce n'est pas lui l'assassin. Et elle va fondre en larmes, comme par soulagement, écouter la nuance qui est introduite à la fois dans les larmes et dans les paroles. Et avant ça, juste pour le plaisir, puisque vous parlez de bourgeoisie, on va entendre Claude Chabrol parler de ses propres origines bourgeoises. Je voulais faire des films. Ce qu'il y a, c'est que j'étais... mes parents voyaient pas ça d'un très bel œil, qui étaient des gens assez bourgeois, et qui disaient... Je trouvais que c'était un milieu plein de pédérastes. C'était le gros argument. Alors, je disais, peut-être bien, mais enfin, ça n'est pas... Les camionneurs aussi, et les pharmaciens, donc, puisqu'ils étaient pharmaciens. Bon. Et alors, finalement, j'ai été obligé d'avoir un chemin assez tortueux, oui. Regardez ce que je vous apporte, j'espère que vous aimez ça. Oui. Des cerises à l'eau de vie. Et c'est pas de la gnognotte, ça, à côté des saletés qu'on vend dans les bistrots. Hein, regardez comme elles sont grosses. Vous aimez ça, non? Oui, beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Si, je suis un peu fatiguée. Vous pourrez l'écouter tout de suite? Eh ben, asseyez-vous, vous dérangez pas, je vais chercher des verres. Vous êtes crevé, forcément, avec toute cette histoire. Un petit peu de jus. Je crois que je n'en ai jamais mangé d'aussi belles. Elles sont bonnes, hein? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Formidable. C'est marrant, depuis que je vous connais, c'est la première fois que je ne vois pas dans votre assiette. Enfin, c'est marrant. C'est pas marrant. Ah si, vous en faites pas, Paul. Vous êtes trop gentil. Je suis pas complètement abruti, je sais bien que ça vous a fait un choc quand même. Le pauvre gosse. Le pauvre monsieur Hamel, il doit être dans ses états. Vous devriez prendre du congé si vous tombez malade. Mais non, je suis très solide. Très bien. Un peu vous pleurez maintenant. Allez, essuyez vos yeux. J'ai vu des petits agneaux de lait à Périgueux, on va pouvoir faire des bons petits gigots. Excusez-moi, je peux pas m'en empêcher. C'est fini. C'est fini. Vous avez du feu? Ah ben, j'aime mieux ça. Mais c'est mon briquet. Bien sûr que c'est votre briquet. Il marche bien, c'est pas de la Kaamelott. Mais vous avez pas recommencé, non? Puis c'est un autre genre, maintenant. Je sais pas quoi faire, moi. Hein. Vous voulez que je m'en aille? Oh non, non, non, non, s'il vous plaît, je vous en prie. Restez, j'en ai besoin. Allez, non. Alors, comme souvent dans les films de Chabrol, le spectateur met du temps à savoir ce qu'il en est vraiment. Il y a toujours un retournement dans le retournement dans le retournement, si bien qu'on met du temps à savoir si Popol est effectivement l'assassin ou non. Mais à ce moment-là du film, on pense qu'il l'est et on ne sait pas qu'on a raison. Mais on se demande pourquoi Mademoiselle Hélène lui ouvre-t-elle la porte? Pourquoi est-ce qu'elle l'accueille chez lui alors qu'elle est persuadée que c'est lui l'assassin? Ça, on ne le sait pas, Hélène Frappa. Oui, il y a pas de suspense hein, dans le film. C'est-à-dire qu'au fond, peut-être que certains spectateurs peuvent douter vaguement, mais en réalité, non. C'est-à-dire que, d'ailleurs, le film, de ce point de vue-là, n'est ni du point de vue du criminel, ni du point de vue de Mademoiselle Hélène. Il a un autre point de vue qui est celui du film lui-même, hein, ce que Chabrol appelait l'objet film. Et le point de vue de l'objet film nous montre très clairement depuis le début que cet homme a tué. Alors, je parlais tout à l'heure de la bourgeoisie. Là, c'est pas le cadre du tout de ce film, au sens où il n'y a pas de masque. Hein. Il est le meurtrier sans masque. Elle est la femme de 30 ans, balsacienne, sans masque elle-même. Ce qui est fou chez cet homme, hein, c'est que tout est littéral, comme dans La Folie. C'est-à-dire qu'il veut coucher avec elle, il lui apporte un gigot qui est son sexe. Ensuite, ça a pas marché, alors il va lui apporter, on pourrait dire, ses couilles, parce que bon, il est quand même les très grosses cerises. Et après, ça marche pas, donc il va lui donner son sang. La scène finale, il y a mon sang qui s'écoule. Et c'est un film où toutes les humeurs du corps ne cessent de s'écouler. Il y a le sang. En même temps, on voit bien qu'il y a une dimension eucharistique dans cette scène qui est extraordinaire, hein, c'est-à-dire cette manière qu'il a de lui demander de boire son sang, il y a quelque chose de christique là-dedans. Elle-même pleure, hein, donc les larmes s'écoulent. Bon, il n'y a pas de sperme qui s'est écoulé, donc c'est autre chose qui s'écoule. Mais il y a, voilà, les gouttes de sang, on en a parlé tout à l'heure. Donc c'est toute une effusion comme ça de l'être humain à travers ses propres humeurs. Un être humain qui se vide, en fait. Hein. On pourrait dire que le personnage du boucher, on ne sait pas pourquoi il tue. On ne le saura. On ne sait pas pourquoi cette femme de 30 ans va, être proche de lui, être séduite, être troublée, je dirais. Hein. Le terme juste, et c'est ça qui est très fort aussi bien pour le spectateur du boucher, c'est que c'est un film qui est troublant aussi, à plein de points de vue. Elle ressent un trouble. De quelle nature est ce trouble? On ne le saura pas, d'une certaine manière, il n'y a pas à le savoir, il y a juste à le vivre. Enfin, juste, c'est énorme, hein. C'est ça le... qui fait de ce film un chef-d'œuvre. Et comment est-ce qu'on le vit? On le vit à travers voilà ces humeurs du corps qui nous sont transmises jusqu'au moment où cet homme tout blanc à la fin va se vider entièrement de son sang après avoir retourné contre lui-même le je spoil rien parce que c'est un film sans suspense comme je disais, hein. Bah, retourner contre lui-même ce couteau qu'il a brandi envers elle. Peut-être pour la tuer, on ne le sait pas, probablement pas. En tout cas, pour qu'elle assiste à son sacrifice en direct. Mais là, on est au cœur de cette opacité dont parlait Chabrol et le terme est celui qui a ouvert cette émission. L'opacité autour des intentions, on ne sait pas pourquoi il tue, on ne sait pas pourquoi elle est troublée. Et c'est ça qui tient le spectateur en haleine. Et rendons hommage ici au jeu de Stéphane Audran, notamment, évidemment Jean-Yann aussi, mais Stéphane Audran qui, dans la scène qu'on vient d'entendre, vous avez entendu ses intonations. Elle sait qu'elle ouvre la porte à un assassin. elle le fait rentrer chez elle et elle accepte de manger des cerises à l'eau de vie avec lui. Et tout dans sa voix dit ce trouble, ce malaise. Je n'en ai jamais connu d'aussi belle. Tout ça sonne faux et en même temps on sent la peur et on a juste envie de la prendre dans ses bras. C'est très beau parce que lui dit que les cerises sont bonnes, elle, elle dit que les cerises sont belles. Et il y a probablement beaucoup de choses qui se jouent à ce moment-là, entre ces deux adjectifs où lui est du côté de ce qui est bon, en un sens qui peut être, pour revenir à Cro-Magnon, primitif, elle essaye d'aller du côté des aspirations, de ce qui est beau. Et là, il y a quelque chose qui ne passe pas entre eux, c'est-à-dire que lui ne peut pas passer du bon au beau du tout. C'est sans doute pour ça qu'il est fou, et c'est aussi pour ça. Enfin, encore une fois, il ne s'agit pas de donner d'explication, mais qu'il tue. Il reste dans ce qui est bon, au sens de la pulsion. Et elle voudrait... Est-ce qu'elle voudrait l'emmener ? Non. Elle lui montre quelque chose, ou peut-être, elle pourrait l'emmener, mais probablement pas, puisque c'est ça, c'est la folie de cet homme-là. Et voilà, et c'est un film que... Enfin, le scénario est entièrement de... Le scénario et les dialogues de Chabrol, et vraiment, c'est magnifiquement écrit, le boucher, chaque mot. Vous n'êtes pas dans votre assiette, etc. Il y a vraiment cette manière dont Mademoiselle Hélène ne cesse de scander musicalement tout le film. C'est écrit avec une musicalité. La musique est de Pierre Janssen, elle est absolument magnifique. Mais il y a une musicalité de la langue qui revient. Et elle veut l'emmener vers une articulation. Enfin, veut l'emmener. Elle est du côté de l'articulation du langage. Elle est du côté de la littérature. Elle est du côté d'une relation qui pourrait se. Mais lui ne peut pas. Il ne peut pas. Alors il y a cet arrière-plan, comme je disais, historique, qui est très important. Hein, c'est un film vraiment. Comme toutes les grandes œuvres, elles sont. C'est un film anti-français, on pourrait dire. Hein. Comme n'importe quel chef-d'œuvre français, c'est un film anti-français, évidemment. C'est-à-dire que c'est un film de critique sociale et de critique historique. Donc il y a cet arrière-plan, je le disais, des guerres coloniales qui est crucial. Mais pour le reste, c'est l'opacité absolue de l'être humain hein, en tant qu'il est. Chabrol disait tous les films sont l'histoire d'un crime, tous. Et il disait de ce film en particulier que c'était son meilleur souvenir de carrière. Le tournage en Dordogne était divin, disait-il, pas seulement parce qu'on bouffait bien, mais il y avait un peu de magie. Merci beaucoup Hélène Frappa d'en avoir parlé ce matin à ce micro. Merci. Je renvoie les auditeurs à vos ouvrages. Vous avez écrit un livre sur Jacques Rivette, Secret compris, aux éditions Cahiers du cinéma, un livre sur Roberto Rossellini. Et vous publierez le mois prochain, aux éditions Actes Sud, un roman qui s'appelle « Le Mont Fuji n'existe pas ». On se quitte avec une chanson qui est celle qui ouvre le boucher, c'est les habitants du village eux-mêmes, qui étaient figurants pour le film, qui vous interprètent Capri, petite île. À la demande générale, je vous chanterai une chanson. Capri, petite île. Capri, petite île, tu restes dans mon cœur. Capri petite île, tu restes dans mon cœur. Les clochers de mon île battent comme un cœur. Les oiseaux de l'île forment un cœur. Dans le ciel, allez toujours fouiller la lune. Chercher les astres miroitants. La tête dans une boule. Vivez avec votre temps. Je connais une île sage. Auprès des chèvres, j'ai grandi, parfumé par les vents du large, loin des faux paradis. Allez, avec moi! Elle en est un peu en retard, mais ça valait le détour. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps d'accueillir Aurélien Bélanger pour sa question philo du jour. Tu les aimes, tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question ce matin est la suivante, faut-il absolument avoir des yeux pour voir ? Alors je suis fasciné par les théories évolutionnistes de la vision, comment d'une cavité, d'une concavité thermosensible de la peau, on est lentement passé à un corps vitreux sphérique tapissé de récepteurs lumineux. Cela paraît un peu fou, mais plus rien ne me surprend vraiment dans la théorie évolutionniste depuis que j'ai vu la vidéo d'un maître verrier qui donnait, avec de simples ciseaux, la forme d'un cheval à un morceau de verre fondu. J'ai compris, ce jour-là, le peu d'efforts qu'il y avait à faire quelques millions d'années seulement, pour faire pousser des jambes et une crinière au moindre amas de matière. Mais il est vrai aussi que j'avais lu, il y a longtemps, le manifeste contrasexuel de Paul Preciado et que j'y avais entrevu, comme dans le Welbeck des particules élémentaires d'ailleurs, la possibilité de transformer en organe sexuel n'importe quelle partie de notre épiderme. Il suffisait à peu près de le décréter et notre épaule devenait une source possible de jouissance. Vous défendez une vision un peu queer de l'évolutionnisme, c'est ça ? Mais je crois même que je vais encore plus loin que ça, et peut-être au-delà même du créationnisme, qui explique tout par la libido délirante d'un dieu qui aurait inventé l'homme, comme on se fait greffer un pod sur le front. Pour tout vous dire, je suis tenté par les théories panpsychistes qui attribuent une conscience, et pourquoi pas une libido à toutes les entités du cosmos. Eh ben, c'est un tournant métaphysique radical, ça vous a pris comment ? Bah, comme souvent, devant un tuto sur TikTok. En l'occurrence, celui d'un basketteur qui expliquait comment enfin réussir tous ses lancers francs. Et au lieu de dire sobrement qu'il était préférable d'adopter une trajectoire en cloche, mon basketteur, imaginatif, avait dessiné deux courbes, l'une en forme d'ellipse et l'autre parfaitement ronde, qui représentaient chacune ce que voyait le ballon de l'arceau, selon que le lancer était plus ou moins tendu. Et on comprenait intuitivement qu'il fallait adopter la trajectoire la plus parabolique pour que l'arceau soit grand ouvert. On comprenait surtout que pour résoudre intuitivement ce petit problème de physique, il n'était pas inutile de doter le ballon du don de la vision. C'était la première fois que je voyais l'univers s'expliquer mieux par le recours à des propriétés intentionnelles, à une conscience primitive, plutôt que par les lois aveugles de la matière brute. Et cela a été comme une révélation. Vous voulez dire que depuis, vous pensez vraiment que les ballons voient ce qui leur arrive ? Honnêtement, et sans provocation aucune, je ne trouve pas cette formulation plus absurde que celle qui consiste à dire que les ballons suivent les lois de la physique. Je préfère penser qu'ils les découvrent comme un enfant qui joue, qu'ils les observent même parfois avec la scrupuleuse attention du physicien. D'ailleurs, il faudrait presque retourner la chose. Les ballons observent bien mieux les lois de la physique que les physiciens eux-mêmes. Rien ne détourne leur regard, et c'est en cela que la trajectoire du ballon de basket est toujours pure de toute scorie psychologisante, au point qu'on en arrive paresseusement à lui dénier qu'il pense, au titre qu'il pense, trop juste ou trop droit. D'où vient que les esprits boiteux nous irritent, se demandait Descartes, de ce qu'ils ne savent pas qu'ils boitent, mais mon ballon, lui, accomplit ce prodige supérieur. Il ne sait tout simplement pas boiter, il voit parfaitement clair. Et donc, pour répondre à votre question, inutile de posséder des yeux pour voir. J'en ai eu la confirmation devant la mer l'autre jour en voyant les vagues élever leur écume blanchâtre juste pour attraper les rayons déclinants du soleil hivernal. Ce dont j'ai eu la certitude, le temps d'un frisson, c'est que la mer, à cet instant lumineuse, regardait le soleil. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, et peut-être ne faut-il pas d'oreilles pour écouter, ça pourrait être le sujet d'une autre chronique. En tout cas, celle-ci est à réécouter sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier en compagnie de Manon Delasselle, Baptiste Botella, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Esther Valencic et Nicolas Berger qui est de retour parmi nous avec du sommeil en moins et une fille en plus. C'était Vincent Schmitt à la lecture des textes ce matin, comme toute cette semaine, à la prise de son Jean-Frédéric. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour de Chabrol. On continuera à disséquer le réel avec le scalpel de sa caméra. On sera en compagnie de Caroline Eliachev, qui a été scénariste du film La Cérémonie, ainsi que d'autres films de Chabrol. On en parlera ensemble, on se demandera si c'était un cinéma petit bourgeois ou justement anti-petit bourgeois, bref, cinéaste marxiste ou non. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission sur Le Boucher de Claude Chabrol en compagnie d'Hélène Frappin, en vous rendant sur le site de France Culture ou bien en téléchargeant l'application Radio France qui vous permet d'écouter les émissions en direct ou bien en téléchargement, en podcast, comme ça vous les écoutez où vous voulez et quand vous voulez, et l'application stocke les podcasts pendant une très longue durée, donc n'hésitez pas à vous y référer pour écouter toutes les émissions de votre choix. On se retrouve demain à 10h, d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.